Section 3 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Préface. Si, n'étant que simple citoyen, je me suis cru obligé, dans quelques circonstances graves, d'élever la voix et de parler à ma patrie, que dois-je donc faire aujourd'hui? Père et ministre d'État, n'ai-je pas des devoirs bien plus rigoureux à remplir? Et mes efforts pour mon roi ne doivent-ils pas être en raison des honneurs dont il m'a comblé? Comme père de France, je dois dire la vérité à la France, et je la dirai. Comme ministre d'État, je dois dire la vérité au roi, et je la dirai. Si le Conseil, dont j'ai l'honneur d'être membre, était quelquefois assemblé, on pourrait me dire « parler dans le Conseil ». Mais ce Conseil ne s'assemble pas. Il faut donc que je trouve le moyen de faire entendre mes humbles remontrances et de remplir mes fonctions de ministre. Si j'avais besoin de prouver, par des exemples, que les hommes en place ont le droit d'écrire sur les matières d'État, ces exemples ne me manqueraient pas. J'en trouverais plusieurs en France, et l'Angleterre m'en fournirait une longue suite. Depuis Bolingbroke jusqu'à Burke, je pourrais citer un grand nombre de lords, de membres de la Chambre des communes, de membres du Conseil privé, qui ont écrit sur la politique en opposition directe avec le système ministériel adopté dans leur pays. Et quoi, si la France me semble menacée de nouveaux malheurs, si la légitimité me paraît en péril, il faudra que je me taise parce que je suis père et ministre d'État. Mon devoir, au contraire, est de signaler l'écueil, de tirer le canon de détresse et d'appeler tout le monde au secours. C'est par cette raison que, pour la première fois de ma vie, je signe mes titres, afin d'annoncer mes devoirs et d'ajouter, si je puis, à cet ouvrage, le poids de mon rang politique. Ces devoirs sont d'autant plus impérieux que la liberté individuelle et la liberté de la presse sont suspendues. Qui oserait, qui pourrait parler ? Puisque la qualité de père de France me donne, en vertu de la charte, une sorte d'inviolabilité, je dois en profiter pour rendre à l'opinion publique une partie de sa puissance. Cette opinion me dit « Vous avez fait des lois qui m'entravent, prenez donc la parole pour moi, puisque vous me l'avez ôtée. » Enfin, le public m'a prêté quelquefois une oreille bienveillante. J'ai quelque chance d'être écouté. Si donc, en écrivant, je peux faire un peu de bien, ma conscience m'ordonne d'écrire. Quand on remplit de pareils devoirs, on est résigné à tout. Cette préface se bornerait ici si je n'avais quelques explications à donner. Le mot de royaliste, dans cet ouvrage, est pris dans un sens très étendu. Il embrasse tous les royalistes, quelle que soit la nuance de leurs opinions, pourvu que ces opinions ne soient pas dictées par les intérêts moraux et révolutionnaires. Par gouvernement représentatif, j'entends la monarchie telle qu'elle existe, aujourd'hui en France, en Angleterre et dans les Pays-Bas, soit qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas convenir de la justesse rigoureuse de l'expression. Quand je parle des fautes, des systèmes, des ordonnances, des projets de loi d'un ministère, je ne fais la part ni du bien ni du mal à chacun des ministres qui composaient ou qui composent ce ministère. Le principe est qu'une mesure ministérielle est l'ouvrage de tous les ministres. Ainsi, j'ai blâmé fortement des ministères dans lesquels même j'avais des amis, sans égard à mes affections particulières. Quant aux ministres que j'ai cru devoir faire ressortir de cette loi générale et que j'ai désignés, ils se reconnaîtront. Chapitre 1er. Exposé. La France veut son roi légitime. Il y a trois manières de vouloir le roi légitime. Premièrement, avec l'ancien régime. Deuxièmement, avec le despotisme. Troisièmement, avec la charte. Avec l'ancien régime, il y a impossibilité. Nous l'avons prouvé ailleurs. Note. Cet ouvrage étant comme la suite des réflexions politiques, partout où je me trouverai sur le chemin des mêmes vérités, pour m'épargner les répétitions, je citerai en note les réflexions. Par la même raison, je citerai aussi le rapport fait au roi, à Gand, rapport qui découle également des principes posés dans les réflexions politiques. Avec le despotisme, il faut avoir, comme Buonaparte, 600 000 soldats dévoués, un bras de fer, un esprit tourné vers la tyrannie. Je ne vois rien de tout cela. Je sais bien comment on établit le despotisme. Je ne sais pas comment on fait un despote dans la famille des Bourbons. Reste donc la monarchie avec la charte. C'est la seule bonne aujourd'hui. Ne fût-elle pas bonne, c'est la seule possible. Cela tranche la question. Chapitre 2. Suite de l'exposé. Partons donc de ce point que nous avons une charte, que nous ne pouvons avoir autre chose que cette charte, qu'ainsi il faut prendre notre parti. Mais depuis que nous vivons sous l'empire de la charte, nous en avons tellement méconnu l'esprit et le caractère que c'est merveille. À quoi cela tient-il ? À se comporter par nos passions, nos intérêts, notre humeur, nous n'avons presque jamais voulu nous soumettre à la conséquence, tout en disant que nous adoptions le principe. À ce que nous prétendons maintenir des choses contradictoires et impossibles. À ce que nous résistons à la nature du gouvernement établi au lieu d'en suivre le cours. À ce que, contrariés par des institutions encore nouvelles, nous n'avons pas le courage de braver de légers inconvénients pour acquérir de grands avantages. À ce qu'ayant pris la liberté pour base de ces institutions, nous nous en effrayons et nous sommes tentés de reculer jusqu'à l'arbitraire, ne comprenant pas comment un gouvernement peut être vigoureux sans cesser d'être constitutionnel. Je vais essayer de poser quelques vérités d'un usage commun dans la pratique de la monarchie représentative. Je désirerais que cet écrit devînt une espèce de vade-mecum pour tout homme appelé aux affaires. Je traiterai d'abord des principes. Je tâcherai de montrer ce qui manque à nos institutions, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut détruire, ce qui est raisonnable, ce qui est absurde. Je parlerai ensuite des systèmes. Je dirai quels sont ceux que l'on a suivis jusqu'ici dans l'administration. J'indiquerai le mal. Je finirai par offrir ce que je crois être le remède. Au reste, je ne m'écarterai pas des premières notions du sens commun. Mais il paraît que le sens commun est une chose plus rare que son nom ne semble l'indiquer. La Révolution nous a fait oublier tant de choses. En politique comme en religion, nous en sommes au catéchisme. Chapitre 3. Élément de la monarchie représentative. Qu'est-ce que le gouvernement représentatif ? Quelle est son origine ? Comment s'est-il formé en Europe ? Comment fut-il établi autrefois en France et en Angleterre ? Comment se détruisit-il chez nos aïeux ? Et pourquoi subsista-t-il chez nos voisins ? Par quelle voie y sommes-nous revenus ? Pour toutes ces questions, voyez les réflexions politiques. Or, le gouvernement établi par la charte se compose de quatre éléments, de la royauté ou de la prérogative royale, de la chambre des pairs, de la chambre des députés, du ministère. Cette machine, moins compliquée que l'organisation de l'ancienne monarchie avant Louis XIV, est cependant plus délicate et doit être touchée avec plus d'adresse. La violence la briserait. L'inhabileté en arrêterait le mouvement. Voyons ce qui manque ou quels embarras se sont rencontrés jusqu'ici dans la nouvelle monarchie. Chapitre 4. De la prérogative royale. Principe fondamental. La doctrine sur la prérogative royale constitutionnelle est que rien ne procède directement du roi dans les actes du gouvernement, que tout est l'œuvre du ministère, même la chose qui se fait au nom du roi et avec sa signature. Projet de loi, ordonnance, choix des hommes. Le roi dans la monarchie représentative est une divinité que rien ne peut atteindre. Inviolable et sacrée, elle est encore infaillible, car s'il y a erreur, cette erreur est du ministre et non du roi. Ainsi on peut tout examiner sans blesser la majesté royale, car tout découle d'un ministère responsable. Chapitre 5. Application du principe. Quand donc les ministres alarment des sujets fidèles, quand ils emploient le nom du roi pour faire passer de fausses mesures, c'est qu'ils abusent de notre ignorance, ou qu'ils ignorent eux-mêmes la nature du gouvernement représentatif. Le plus franc royaliste dans les chambres peut, sans témérité, écarter le bouclier sacré qu'on lui oppose et aller droit au ministre. Il ne s'agit que de ce dernier, jamais du roi. Et tout cela est fondé en raison. Car le roi étant environné de ministres responsables, tandis qu'il s'élève au-dessus de toute responsabilité, il est évident qu'il doit les laisser agir, d'après eux-mêmes, puisqu'on s'en prendra à eux seuls de l'événement. s'ils n'étaient que les exécuteurs de la volonté royale. Il y aurait injustice à les poursuivre pour des desseins qui ne seraient pas les leurs. Que fait donc le roi dans son conseil ? Il juge, mais il ne force point le ministre. Si le ministre obtempère à l'avis du roi, il est sûr de faire une chose excellente et qui aura l'assentiment général. S'il s'en écarte et que, pour maintenir sa propre opinion, il argumente de sa responsabilité, le roi n'insiste plus. Le ministre agit, fait une faute, tombe, et le roi change son ministère. Et quand bien même le roi dans le conseil eût adopté l'avis du ministère, si cet avis entraîne une fausse mesure, le roi n'est encore pour rien dans tout cela. Ce sont les ministres qui ont surpris sa sagesse en lui présentant les choses sous un faux jour, en le trompant par corruption, passion, incapacité. Encore un coup, rien n'est l'ouvrage du roi que la loi sanctionnée, le bonheur du peuple et la prospérité de la patrie. J'ai appuyé sur cette doctrine parce qu'elle a été méconnue. On a profité de la passion que la Chambre des députés a pour le roi afin de donner des scrupules à cette Chambre admirable. Les députés ont été quelque temps à démêler les véritables intérêts du trône quand on se servait du nom même du roi pour l'opposer à ses intérêts. Passons du principe général à quelques détails. Chapitre 6. Suite de la prérogative royale, initiative, ordonnance du roi. La prérogative royale doit être plus forte en France qu'en Angleterre. Note, réflexion politique. Mais il faudra tôt ou tard la débarrasser d'un inconvénient dont le principe est dans la charte. On a cru fortifier cette prérogative en lui attribuant exclusivement l'initiative. On l'a au contraire affaiblie. La forme ici n'a pas moins d'inconvénient que le fond. Les ministres apportent aux chambres leur projet de loi dans une ordonnance royale. Cette ordonnance commence par la formule « Louis par la grâce de Dieu », etc. Ainsi, les ministres sont forcés de faire parler le roi à la première personne. Ils lui font dire qu'il a médité dans sa sagesse leur projet de loi, qu'il l'envoie aux chambres dans sa puissance. Puis surviennent des amendements qui sont admis par la couronne. Et la grâce de Dieu, et la sagesse, et la puissance du roi reçoivent un démenti formel. Il faut une seconde ordonnance pour déclarer encore par la grâce de Dieu, la sagesse et la puissance du roi que le roi, c'est-à-dire le ministère, s'est trompé. Et voilà comment un nom sacré se trouve compromis. Il est donc nécessaire que l'ordonnance soit réservée pour la loi complète, ouvrage de la couronne assisté des deux autres branches de la puissance législative, et non pour le projet de loi qui n'est que le travail des ministres. En tout, il faut désormais user des ordonnances avec sobriété. Le style de l'ordonnance est absolu, parce qu'autrefois, le roi était seul souverain législateur. Mais aujourd'hui, qu'il a consenti, dans sa magnanimité, à partager les fonctions législatives avec les deux chambres, il est mieux, en matière de loi, que la couronne ne parle impérieusement que pour la loi achevée. Autrement, vous placez le pair et le député entre deux puissances législatives, la loi et l'ordonnance, entre l'ancienne et la nouvelle constitution, entre ce qu'on doit à la loi comme citoyen et ce que l'on doit à l'ordonnance comme sujet. Comment alors travailler librement à la loi sans blesser la prérogative, ou se taire devant la prérogative sans cesser d'obéir à sa conscience en votant sur les articles de la loi? Le nom du roi mis en avant par les ministres produirait à la longue l'un ou l'autre de ces graves inconvénients. Ou il imprimerait un tel respect que toute liberté disparaissant dans les deux chambres, on tomberait sous le despotisme ministériel. Ou il n'enchaînerait pas les volontés, ce qui conduirait au mépris de cette autorité royale, sans laquelle pourtant il n'est point de salut pour nous. Rien ne choquerait plus toutes les convenances en Angleterre si un membre du Parlement s'avisait de citer l'auguste nom du monarque pour combattre ou pour faire passer un bill. Chapitre 7. Objection. Mais si les chambres ont seules l'initiative ou si elles la partagent avec la couronne, ne va-t-on pas voir recommencer cette manie de faire des lois qui perdit la France sous l'Assemblée constituante ? On oublie, dans ces comparaisons si souvent répétées, que l'esprit de la France n'était pas tel alors qu'il est aujourd'hui, que la Révolution commençait et qu'elle finit, que l'on tend au repos comme on tendait au mouvement, que loin de vouloir détruire, la plus forte envie est de réparer. On oublie que la Constitution n'était pas la même, qu'il n'y avait qu'une assemblée ou deux conseils de même nature, et que la Charte a établi deux chambres de principes divers, que ces deux chambres se balancent, que l'une peut arrêter ce que l'autre aurait proposé imprudemment. On oublie que toute motion d'ordre, faite et poursuivie spontanément, n'est plus possible, que toute proposition doit être déposée par écrit sur le bureau, que si les chambres décident qu'il y a lieu de s'occuper de cette proposition, elle ne peut être développée qu'après un intervalle de 3 jours, qu'elle est ensuite envoyée et distribuée dans les bureaux. Ce n'est qu'après avoir passé à travers toutes ces formes dilatoires qu'elle revient aux chambres modifiées et comme refroidies pour y rencontrer tous les obstacles, y subir tous les amendements des projets de loi. Encore, la discussion peut-elle en être retardée s'il se trouve à l'ordre du jour d'autres affaires, qui est la priorité. On oublie enfin que le roi a puissance absolue pour rejeter la loi, pour dissoudre les chambres, si le besoin de l'État le requérait. D'ailleurs, de quoi s'agit-il ? Doter l'initiative des lois à la couronne ? Pas du tout. Laisser l'initiative à la couronne, qui s'en servira dans les grandes occasions, pour quelques lois bien éclatantes, bien populaires. Mais donnez-la aussi aux chambres qui l'exercent déjà par le fait, puisqu'elles ont le droit de proposition de loi. Le développement de la proposition est secret, répond-on, et avec l'initiative, la discussion est publique. Les assemblées délibérantes ont fait tant de mal à la France qu'on ne saurait trop se prémunir contre elles. Mais alors pourquoi une charte ? Pourquoi une constitution libre ? Pourquoi n'avoir pas pris les choses telles qu'elles étaient ? Un Sénat passif, un corps législatif muet. Et voilà comment, par une inconséquence funeste, on veut et l'on ne veut pas ce que l'on a. Sait-on ce qui arrivera si nous ne sommes pas plus décidés dans nos vœux, pas plus d'accord avec nous-mêmes ? Ou nous détruirons la Constitution, et Dieu sait ce qui en résultera, ou nous serons emportés par elle. Prenons-y garde, car, dans l'état actuel des choses, elle est probablement plus forte que nous. Chapitre 8. Contre la proposition secrète de la loi. Proposition secrète de la loi. Idée fausse et contradictoire. Élément hétérogène dont il faudra se débarrasser. La proposition secrète de la loi ne peut même jamais être si secrète qu'elle ne parvienne au public défigurée. L'initiative franche est de la nature du gouvernement représentatif. Dans ce gouvernement, tout doit être connu, porté au tribunal de l'opinion. Si la discussion aux chambres devient orageuse, 5 membres, en se réunissant, peuvent, au terme de l'article 44 de la Charte, faire évacuer les tribunes. On conserverait donc, par l'initiative, les avantages du secret, sans perdre ceux de la publicité. Il n'y a donc rien à gagner à préférer la proposition à l'initiative. C'est vouloir se procurer par un moyen ce qu'on obtient déjà par un autre. C'est compliquer les ressorts pour se donner ce qu'on peut avoir par un procédé simple et naturel. L'initiative accordée aux chambres fera disparaître en outre ces définitions de principes généraux qui, cette année, ont entravé la discussion de chacune de nos lois. On n'entendrait plus parler aussi de l'éternelle doctrine des amendements. Le bon sens veut que les chambres, admises à la confection des lois, aient le droit de proposer dans ces lois tous les changements qui leur semblent utiles, excepté pour le budget, qu'elles ne peuvent qu'accepter ou rejeter, comme je vais le dire. Vouloir fixer des bornes au droit d'amendement, trouver le point mathématique où l'amendement finit, où la proposition de loi commence, savoir exactement quand cet amendement empiète, quand il n'empiète pas sur la prérogative, c'est se perdre dans une métaphysique politique sans rivage et sans fond. Permettez l'initiative aux chambres, que la loi, si vous le voulez, puisse être également proposée par le gouvernement, mais sans ordonnance formelle, et toutes ces questions odieuses tomberont. Au lieu de crier à tout propos à la violation de la charte, à la violation de la prérogative royale, au lieu de rejeter un amendement, non parce qu'il est mauvais en lui-même, mais parce qu'il contrarie une théorie, on sera obligé de combattre son adversaire par des raisons prises dans la nature même de la loi proposée. on ne s'accusera plus mutuellement, les uns de rappeler des principes démocratiques, les autres de prêcher l'obéissance passive. Les esprits deviendront plus justes, les cœurs plus unis, et il y aura moins de temps perdu. Chapitre 9. Ce qui résulte de l'initiative laissée aux chambres. D'ailleurs, l'initiative laissée aux chambres est manifestement dans les intérêts du roi. La couronne ne se charge alors que de la proposition des lois populaires et laisse aux pairs et aux députés tout ce qu'il peut y avoir de rigoureux dans la législation. Ensuite, si la loi ne passe pas, le nom du roi ne s'est pas trouvé mêlé à des discussions où souvent le mouvement de la tribune fait sortir de la convenance. D'une autre part, les ministres ne viendront plus violenter votre conscience en s'écriant « c'est la proposition du roi, c'est sa volonté, jamais il ne consentira à cet amendement ». On sait trop ce qui a suivi ces protestations. Enfin, si les ministres sont habiles, l'initiative des chambres ne sera jamais que l'initiative ministérielle, car ils auront l'art de faire proposer ce qu'ils voudront. C'est l'avantage de l'anonyme pour un auteur. Si l'ouvrage est bon, l'auteur le réclame après le succès. S'il ne réussit pas, il le laisse à qui la critique veut le donner. Encore le ministre est-il mieux placé que l'auteur, car bonne ou mauvaise, la loi que ce ministre a chargé ses amis de proposer doit toujours passer aux chambres, à moins qu'il n'ait adopté le système de la minorité, si ingénieusement inventé dans la dernière session. Renoncer à la majorité, c'est vouloir marcher sans pied, voler sans aile. C'est briser le grand ressort du gouvernement représentatif. Je le montrerai plus loin. Chapitre 10. Où ce qui précède est fortifié. Voilà les inconvénients de la proposition secrète de loi par les chambres et de l'initiative par la couronne. En voici les absurdités. Si la proposition passe aux chambres, elle va à la couronne. Si la couronne l'adopte, elle revient aux chambres en forme de projet de loi. Si les chambres jugent alors à propos de l'amender, elle retourne à la couronne qui peut à son tour introduire de nouveaux changements, lesquels doivent encore être adoptés par les deux chambres, pour être présentés ensuite à la sanction du roi qui peut encore ajouter ou retrancher. Il y a dans le Riangnan, province la plus polie de la Chine, un usage. Deux mandarins ont une affaire à traiter ensemble. Le mandarin qui a reçu le premier la visite de l'autre mandarin ne manque pas par politesse de l'accompagner jusque chez lui. Celui-ci, à son tour, par politesse, se croit obligé de retourner à la maison de son hôte, lequel sait trop bien vivre pour laisser aller seul son honorable voisin, lequel connaît trop bien ses devoirs pour ne pas reconduire encore un personnage si important, lequel, quelquefois, les deux mandarins meurent dans ce combat de bienséance et l'affaire avec eux. Note. Lettres édifiantes. Chapitre 11. Continuation du même sujet. L'initiative et la sanction de la loi sont visiblement incompatibles, car dans ce cas, c'est la couronne qui approuve ou désapprouve son propre ouvrage. Outre l'absurdité du fait, la couronne est ainsi placée dans une position au-dessous de sa dignité. Elle ne peut confirmer un projet de loi que les ministres ont déclaré être le fruit de ses méditations, avant que les pairs et les députés n'aient examiné, et pour ainsi dire approuvé, ce projet de loi. N'est-il pas plus noble et plus dans l'ordre que les chambres proposent la loi et que le roi la juge? Il se présente alors comme le grand et le premier législateur pour dire « cela est bon, cela est mauvais, je veux ou ne veux pas ». Chacun conserve son rang. Ce n'est plus un sujet obscur qui s'avise de contrôler une loi proposée au nom du souverain, maître et seigneur. L'initiative, loin d'être favorable au trône, est donc antimonarchique, puisqu'elle déplace les pouvoirs. Les Anglais l'ont très raisonnablement attribué aux chambres. Chapitre 12. Question. Dans ce gouvernement représentatif, s'écrit-on, le roi n'est donc qu'une vaine idole. On l'adore sur l'autel. Mais il est sans action et sans pouvoir. Voilà l'erreur. Le roi, dans cette monarchie, est plus absolu que ses ancêtres ne l'ont jamais été, plus puissant que le sultan à Constantinople, plus maître que Louis XIV à Versailles. Il ne doit compte de sa volonté et de ses actions qu'à Dieu. Il est le chef ou l'évêque extérieur de l'Église gallicane. Il est le père de toutes les familles particulières, en les rattachant à lui par l'instruction publique. Seul, il rejette ou sanctionne la loi. Toute loi émane donc de lui. Il est donc souverain législateur. Il s'élève même au-dessus de la loi, car lui seul peut faire grâce et parler plus haut que la loi. Seul, il nomme et déplace les ministres à volonté, sans opposition, sans contrôle. Toute l'administration découle donc de lui. Il en est donc le chef suprême. L'armée ne marche que par ses ordres. Seul, il fait la paix et la guerre. Ainsi, le premier dans l'ordre religieux, moral et politique, il tient dans sa main les mœurs, les lois, l'administration, l'armée, la paix et la guerre. S'il retire cette main royale, tout s'arrête. S'il l'étend, tout marche. Il est si bien tout par lui-même. Côté le roi, il n'y a plus rien. Que regrettez-vous donc pour la couronne ? Serait-ce les millions d'entraves dont la royauté était jadis embarrassée et le pouvoir qu'un ministre avait de vous mettre à la Bastille ? Vous vous trompez encore quand vous supposez que la couronne pouvait agir autrefois avec plus d'indépendance ou plus de force qu'aujourd'hui. Quel roi de France, dans l'ancienne monarchie, aurait pu lever l'impôt énorme que le budget a établi ? Quel roi aurait pu faire usage d'un pouvoir aussi violent que celui dont les lois sur la liberté de la presse, la liberté individuelle et les crises séditieux ont investi la couronne ? De l'examen de la prérogative royale, passons à l'examen de la Chambre des Pairs. Chapitre 13. De la Chambre des Pairs, privilèges nécessaires. Si avant d'avoir reçu de la munificence toute gratuite du roi la haute dignité de la pairie, je n'avais pas réclamé pour la Chambre des Pairs ce que je vais encore demander aujourd'hui, une certaine pudeur m'empêcherait peut-être de parler. Mais mon opinion imprimée, note, réflexion politique, rapport au roi fait à Gand. Ayant devancé des honneurs qui surpassent de beaucoup les très faibles services que j'ai pu rendre à la cause royale, je puis donc m'expliquer sans détour. Il manque encore à la Chambre des Pairs de France, non dans ses intérêts particuliers, mais dans ceux du roi et du peuple, des privilèges, des honneurs et de la fortune. Néanmoins, dans le rapport que j'eus l'honneur de faire au roi à Gand dans son conseil, en indiquant la nécessité d'instituer l'hérédité de la pairie, tant pour consacrer les principes de la charte que pour prouver que l'on voulait sincèrement ce que l'on avait promis, je ne prétendais pas conseiller de faire à la fois tous les pairs héréditaires. Un certain nombre de pairs, pris parmi les anciens et les nouveaux pairs, m'auraient d'abord paru suffire. Le ministère, dont l'ordonnance du 19 août 1815 est l'ouvrage, n'a peut-être pas assez vu tout ce que cette ordonnance enlevait à la couronne. Le roi, providence de la France, et qui, comme cette providence, répand les bienfaits à pleine main, a consenti à une générosité toujours au-dessous de sa munificence. Il ne s'est rien réservé de ce qu'il pouvait donner. Et pourtant, quelle source de récompense est tarie par l'acte ministériel ! Quel noble sujet enlevé à une noble ambition ! Que n'eût point fait un père à vie pour devenir père héréditaire, pour constituer dans sa famille une si haute et si importante dignité ? La même ordonnance semblerait ôter au roi la faculté de faire à l'avenir des pairs à vie. Mais il y a sans doute sur ce point quelques vices de rédaction. La charte, article 27, dit positivement « Le roi peut nommer les pairs à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté ». Fin de la section 3.